terrain neutre là, première caractéristique, c'est que c'est deux parties qui acceptent. Quand les deux parties, notre tête ensemble, ils acceptent, ils disent nous allons chita ensemble tel côté, à ce moment-là, politiquement, en matière de négociation, le terrain devient neutre. Lorsque vous êtes parti qui choisit terrain, quel que soit état terrain, quel que soit non gagné, politiquement, n'est-ce pas, pas neutre, donc, nous pas accepter. Alors, nous-mêmes, nous, tant de messieurs à tempêter, nous ne pouvons pas comprendre ça. Ils ont sollicité un rencontre avec nous. Nous disons que déplacer un rencontre pour deux jours. Ils ont demandé pour mercredi. D'accord? Depuis un an, ils font un coup d'état électoral. Hein? Ils ne vont pas négocier. Ils ont même subitement, ils ont dit non, ils ont écrit non. Et dans lundi, ils ont dit non mercredi. Mardi, nous voulons être bayou. Nous disons, écoutez, étant donné les problèmes qui posaient au niveau du lieu, on choisit, on prend deux jours, d'accord, on rencontre, n'est-ce pas, vendredi, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on tente? Nous pensons que le groupe facilitateur, c'est-à-dire les gens de la société civile, que des deux côtés, dans la réunion 27 avril, là, nous devons d'accord pour. Et que le groupe société civile a toujours un rôle de facilitateur, c'est-à-dire fait va-et-vient entre la convergence et le leader de la Valas. Donc nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas normal. Et puis nous entendons peut-être ça, hein, nous bloquer les négociations. Alors, qui ça oublie là? Et que c'est en dedans du Panama même, et que tout le baguette après l'église, en un seul jour. Alors nous-mêmes, pensons qu'il faut dire, il faut respecter les oreilles moun. Attendez, il faut respecter l'opinion publique et que les personnes ne prennent la manipulation. Ça. Oui, nous venons négocier et toute bagaille, faites pour venir sous table de discussion et en tant que patriote, en tant que démocrate, au mieux des intérêts du pays, n'apprend et position que nous prenons et n'apprive à compromis que nous devons arriver, mais il faut ça faire de manière régulière. Le problème, c'est là parce qu'on doit régler les Mipana, mais c'est tout simplement parce que nous pas choisir la tête collée avec le collège. Au niveau de la procédure, d'accord, nous sommes qui est élémentaire et nous pensons que M. Aristide, faut le staff, des gens qui formés, qui comptent ça en matière de procédure, et que dès que les deux parties disent que c'est son terrain neutre, il faut que ces deux parties qui mettent au d'accord. Laissez une partie qui choisit, qui impose un côté, laissez aller pas neutre. À ce moment-là, c'est provoquer l'autre partie à vous parler. Donc, l'LD invité nous, dans le Mipana, Jean le fait là, il n'est pas de faire pour nous aller, il est fait pour nous refuser. Mais ben, nous avons une délégation qui a pris là, une délégation à CARICOM, et qui vient pour venir toujours dans le cadre de négociation, et quelle date, qui prévoit pour rencontrer avec Convergence. Bon, en principe, je suis supposé rentrer pendant la journée, et que nous-mêmes, dans l'après-midi, cet après-midi, au début de l'après-midi, nous avons rencontré, Convergence là, le directeur de la Convergence et les membres de la commission de négociation créée par le président provisoire, M. Tirago. À quelle heure rencontre ça? Nous sommes capables de aux environs de. Nous sommes capables de faire aux environs de 2h30. Maintenant, on doit m'appeler sur le téléphone pour me donner, n'est-ce pas, le lieu, mais on ne m'a pas encore donné. Donc je ne peux pas encore vous dire. Mais Ben, mais pour le moment, c'est qui ça nous-mêmes nous gagnons, puisque MIPAN n'est pas possible, DAC n'est pas possible. Qui ça nous prévoit nous-mêmes pour que crise en débloquer? Ça nous prévoit que il faut que groupe facilitateur, qu'on y a deux groupes, il y a le groupe de la société civile, qu'on y a l'OEA, il faut que vous mettez ensemble, vous faites la navette, c'est-à-dire vous faites un va-et-vient. Entre nous-mêmes et les deux de la famille Lavanas là, pour que conjointement nous mettions d'accord sur un lieu pour rencontrer la fête. Est-ce que nous avons une réponse pour côté résidence avec une lettre pour rencontrer le midi? Non, nous n'avons pas une réponse. Et pour nous-mêmes, c'est la preuve. Que l'autre une lettre pour éviter dans le Mipana, c'est que pas de mesure de compte fête vrai. Parce que lorsque nous demandons pour un compte décalé seulement de deux jours, hein, ou bien vous êtes capable de faire en respectant les normes, en respectant la procédure. Et alors, si vous n'avez pas vos réponses, c'est que vraiment, l'autre vous voulez l'aide de la ça a été une provocation. Vous voulez l'aide là-bas, non, parce que vous connaissez que n'a pas refusé. Vous avez besoin de ça pour vous faire pas l'empile. Alors, nous-mêmes, nous bien réfléchi, nous disons pas prendre un jouet de Timoun ça, et puis nous refusons. Mais Ben, mais nous disons le 11, c'est qui côté nous-mêmes nous prévoir si tu as parlé avec la famille Lavalas? Non, non, nous sommes des gens responsables. Et là, nous disons que dans le cadre de négociation, il faut que les deux parties mettent d'accord sur le côté pour le faire. De même que nous pensons que M. Jean-Bertrand Aristide, par un droit lui-même choisir un lieu pour qu'on vienne positionner. Nous pensons également que la convergence démocratique n'a pas qu'à choisir un côté et puis pour l'imposer, ben, monsieur, jamais être ici. Nous-mêmes, nous sommes des responsables. Nous pensons que les gens que nous mettons d'accord, qui peuvent jouer le rôle de facilitateur, n'est-ce pas des groupes de la société civile, eh bien, il faut que le groupe ça prend responsabilité. Et puis, monsieur Jean-Bertrand Aristide, et lui, nous-mêmes, directoire de la convergence, et puis pour que les propositions qu'il fait, et puis nous mettons d'accord à travers le groupe de facilitation sur un lieu donné. Mais date conscience et probabilité que nous pouvons pour nous-mêmes? Non, nous-mêmes, nous pensons que date conscience, l'étape en certitude de la mesure où et la valace te répond. Mais jusqu'à présent, M. Aristide pas répondre sur la transition. Eh bien, il est dit que M. Sondo et Akamjenea, déjà qui ont été trouvés, qui a bien discuté pour faire élection pour 8 sièges dans le Sénat. Alors que nous-mêmes, dans la convention, nous avons plus que ça. Est-ce que nous avons pensé que les négociations sont en train de faire des procès à l'avance? Bon, m'entendez. Mais je ne vais pas faire politique à partir de ça, simplement que m'entendez. Hein, par la voix des hommes. Et nous-mêmes, nous prenons sous table des négociations. Hein. Et avec point de vue panneau, et puis on a discuté pour mieux des intérêts du pays. C'est ça, mon petit. Si c'est dans ça, la projeté à l'avance, va côté convergence. Pour 8 sièges de la élection. Je pense que vraiment, s'il était question pour nous autres d'accepter et que l'on refasse les élections pour 8 sièges de sénateurs, et bien là, comme ça, eh bien, je ne pense pas que ni l'OEA ni CAI comme d'après je viens. Et qui va position pour connaître ça par rapport à la société civile là qui dit même que c'est reconnaître Haïti comme président? Bon, c'est Mounsayo, en dehors du fait que c'est groupe de société civile, mais aussi des citoyens, donc on doit avoir une position par eux. Moi, en tant que citoyen, on doit avoir une position par eux, que nous-mêmes, on doit avoir une position par nous. Mais demandez-vous comme facilitateur? Non, pas demander aux questions, nous d'accord comme facilitateur. D'accord? Nous d'accord. Parce que ce sont des citoyens, nous pensons à un moment où tu as un blocage, après le dernier départ de Yonandi, ils ont pris des initiatives pour y faire du rapprochement hein, entre deux secteurs politiques, nous pensons que c'est une bonne chose. Et nous ne pensons pas de facilitation hein, et que les gens qui l'ont donné, forcément une convergence que oui. Nous pensons que fait, ce sont des gens honnêtes, les gens qui sont d'accord pour respecter les principes, et qui ont respecté les valeurs démocratiques, qui sont d'accord pour respecter le vote populaire. Hein. Donc, cap d'accord que pour penser qu'il y a pluralisme dans le pays, cap d'accord pour qu'il y ait un groupe majoritaire, cap d'accord pour qu'il y ait une opposition. Donc, nous sommes capables d'accepter comme groupe de facilitateurs. Et le 27 avril, à l'occasion de la réunion de Villa Créole, tandis que les gens, en dedans, et la famille Lavalas, qui te montre que ils n'ont pas tellement d'accord avec la présence de la société civile. Là, nous disons qu'il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Et pour vous que vous y a fait bagaille suivant les procédures. Maintenant, on a remis le comité de facilitation à présent dans le cadre de rencontre avec. Ah, je ne peux rien vous dire, je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est une rencontre multipartite. Ou bien si on rencontre, n'est-ce pas, disons, et bipartite, Ndakadi, et Ndakadi communauté internationale avec convergence. Hein? Et d'autre façon, ils ont invité nous, n'est-ce pas, nous parler. Parce que nous voulons que la crise arrive. Est-ce qu'il y a besoin de lui avoir beaucoup de défis? Non, pour qu'on gagne un renseignement sur lui, donc on ne peut pas faire ça. Dans l'OEA, nous prenons des initiatives ici, et la créole en deux fois, etc. Nous adressons des lettres à M. Jean-Médra ici, et jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors nous-mêmes, nous disons que nous voulons négocier sérieusement, faire les choses sérieusement. Il faut que les procédures soient respectées, et il faut que, côté après contre pour discuter, il faut que, conjointement avec les facilitateurs, et groupe café ou l'intermédiaire, ou bien la navette entre nous-mêmes et la Valas, il faut que nous arrivions à mettre d'accord sur un côté et sur un lieu que la Valas accepte, que nous acceptons, et sur proposition pour ça, et pour nous capables de négocier. Et puis pour nous mettre d'accord sur l'agenda, quels sont les points et que nous pourrons aller discuter sur eux. D'accord? C'est bon, ça nous la question. Professeur Benoît Alternative, prochainement dit que la convergence démocratique là, il y a intérêt à la crise à persister. C'est une réaction. Bon, nous avons des déclarations. Et leader alternative là, comme son monde qui était toujours identifié comme un allié de la Valace. Et pendant un certain temps, ils font une incursion dans l'opposition. Et que je pense que Kounia, s'il voulait prendre position la Valace, je comprends que comme tactique, il faut qu'il lance des pointes, des flèches et contre le secteur de la convergence. Moi, c'est son tactique politique lié. Mais qui ça va attendre de délégation de l'OEA? Eh bien, ça nous attend de délégation de l'OEA, c'est que nous-mêmes, la convergence, la famille Lavalas, et que nous sommes arrivés Chita, en présence de l'OEA et des groupes de la société civile, pour nous commencer à négocier tout bon réellement et arriver à un accord dans le meilleur délai. Mais ben, nous avons une Chita voilà, avec la délégation, c'est qui compte exactement à quoi ça fait? Ah, je ne sais pas encore. Ce matin, il y a un des membres de la convergence qui m'a dit au téléphone qu'il est question qu'on les rencontre cet après-midi. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup. Donc nous disons qu'il faut que les sérieux pour le bien courage, pour la vérité. Parce que quand le général a dit qu'il n'est pas au courant ou bien pas responsable direct de torture, de tout ça qui nous subit, nous nous disons que c'est faux, parce que nous avons précisé pour l'opinion publique, là, et nous disons plusieurs fois déjà, nous étions arrêtés à Carrefour. Donc, on parcours qui est fait de Carrefour à Centre-Ville, disons, jusqu'à la police, le quartier général de la police. Mais pendant tout le parcours, ça, c'est que le général Avril était en communication par radio avec le chef opération qui était officier Delius Joseph. Et là, ça va être un cellulaire, c'était radio communication, okidoki. Donc nous-mêmes, nous connaissons bien voir ancien général là. Et nous attendons Joseph Delius, qui était officier en charge d'opération. Hein, qu'on fait nous sentir même ça avec le général Avril qui l'a parlé. Côté que pendant tout le parcours, le général a posé une question, qui côté y est, comment la situation y est, arrivé encore à la gang, à la police. Pendant une période de temps que nous passons dans l'interrogatoire musclé que nous connaissons, eh bien, c'est Gilles Pognon, qui était chef de major, qui était chef de circulation, en même temps sous-préfet de Port-au-Prince, et qui ont parent avec le général Avril, qui était dans l'opération, et là qui était dans l'investigation, dans l'interrogatoire, non, avec bon chef police là et puis chef anti-gang, non. Et bien pendant tout l'interrogatoire, ça, il était en communication directe avec le général Avril, qui était dans le palais juste là, par téléphone. On voit moins côté que à chaque fois, lui parlait en téléphone et nous tendait, Isidore Pognon qui a dit oui mon général, oui président, oui mon général, oui président. Est-ce qu'on paraît pour renouveler toute déclaration ça devant le cabinet d'instruction? Nous en attendons l'invitation du juge d'instruction hein, pour nous-mêmes et nous allons dire tout ça qu'on a pour nous dire et dans le dossier ça. 2, 3, 4. L'association journaliste haïtien a organisé jeudi 7 juin dans l'hôtel Le Plaza, le 7 mars, à partir de 10h du matin. Une cérémonie côté nous pral gain pour décerner des prix à journalistes qui distinguent par courage, par engagement pour cause liberté de la presse. Et nous pral honorer tous des journalistes pour performance, pour professionnalisme. Et donc il y a 4 prix que nous baillons demain, un jury qui est déjà choisi pour capable de délivrer décerner prix SAO. Donc c'est dans l'occasion 7 juin, journée latino-américaine de la presse. Nous avons débat tout que nous avons fait tout de suite après cérémonie ça. Débat pour nous capables parler un peu de liberté de la presse, de problématiques presse dans le pays d'Haïti. Donc et après, débat ça va enregistrer et qu'il est capable de passer sur les ondes de quelques télévisions dans Port-au-Prince. Donc voilà, en gros, pour le programme 7 juin, qui est journée latino-américaine de la presse dans le pays d'Haïti. La police nationale d'Haïti est arrivée à demander un réseau d'associations de malfaiteurs qui est composé de 6 individus, dont Lucien Gervais, alias Commandant Zéro, Monsieur, c'est un chef de groupe que lié, chef association de malfaiteur ça, que d'après ça, monsieur dit, il est les Forces Unies de Libération Nationale. Et les a créé, en fait, objectif majeur, c'est créer une atmosphère de trouble et d'insécurité dans le pays hein, pour prouver que dans tout le monde gagne en situation intenable dans le pays. Hein. Et pour cela, ils ont gagné ensemble de matériel et équipement que nos jeunes en possession que ont utilisé pour fabriquer des bombes artisanales qui ont gagné pour objectif de faire sauter. Et nous connaissons que bombe ça est du même type de ça que nous avons enregistré en d'un pays il y a quelques jours de cela. Nous jouons dans même M. Sayo en poudre qui est HTH, qui ont mis comme composante dans l'engin artisanal. Il y a 4 morceaux de tuyau, 2 pouces que nous jouons. Nous jouons tout acide méréantique, un gallon, et puis 4 tubes de COD que M. a utilisé pour fabriquer bombe artisanale ça. À côté de Lucien Gervais, alias Commandant Zéro, nous jouons Johnny Alexandre, Gayen Camilien Jean-Guillaume, et Fritz Henri, Nerva Jean-Pierre, et puis Fritz René. Chef d'accusation qui pesait sous tête M. Sayo, c'est l'association du malfaiteur, complot contre la sûreté de l'État, et action terroriste que M. Sayo yo, est perpétré en d'un pays. Donc, n'a dit que gang ça, particulièrement avec en tête les Commandants Zéro, hein, ils ont impliqué dans l'action qui était menée dans le carrefour marin. Gagné environ quelques mois de ça, côté que y a un policier qui fait partie du bureau de renseignement et d'intervention, qui lui-même a fait intervention dans un cas, côté que M. Sayo a fait réunion et planifié ensemble d'activités de tension en pays. Quand l'administration a gagné un rôle pour jouer dans l'entrée et la sortie du pays, donc nous avons des services qui travaillent au port, dans la rivière, et nous avons des services de surveillance, plus particulièrement, qui entraînent dans la recherche des produits stupéfiants. Donc ces services-là qui, aujourd'hui, matin, saisi 15,5 kg de cocaïne qui était sorti de Panama, qui était sorti Curaçao, et c'était dans le bagage, un passager qui était sorti dans la zone. Et la douane, comme d'habitude, depuis le juin, elle a arrêté Mounan, c'est Madame Medelus, elle a arrêté et le remettre à DCPJ qui ont direction de la police nationale d'Haïti pour les suites légales. Est-ce que tu as d'autres complices? Bon, et la police nationale va continuer l'investigation. Hein? Mais nous-mêmes, ces passagers-là, nous-mêmes, nous avons été arrêtés, que nous mettons à la police ensemble avec Gogla. Et pour complices, nous n'avons pas qu'à confirmer ni infirmer si tu es complice. Mais dans l'interrogatoire, il y a des bagages qui sont révélés. Et nous quittons ça pour la police de travail. Est-ce que c'est le premier saisie drogue que nous faisons pour moi hier? Oui, depuis quelques temps, au niveau de la salle d'arrivée, nous ne prenons pas rien du tout. Est-ce que c'est efficace, non efficace? Est-ce que c'est drogue qui va passer, nous ne connaissons pas. Mais c'est effectivement la première saisie que nous faisons pour moi hier au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince. Et je dis à nous faire une note d'information sortie sur Recetio. Recetio totalisait plus de 302 millions de gourdes pour le mois de juin. Et ça représentait une hausse, une augmentation de 14,27% par rapport à juin 2000. Et nous-mêmes, la douane, nous toujours travaillons, même gens tout le temps, nous pas en saison. Et nous gagnons des missions qui sont permanentes. Et mission obligée de travail pour nous exécuter, pour nous remplir. Nous, chaque jour, nous pas dans saison, comme on dit, pour nous faire travail là, parce que le pays a pas dans saison pour fonctionner. Le pays a besoin d'argent tout le temps. Et nous connaissons qu'il y a l'État pour fonctionner, c'est sous recette ça seulement qu'à compter. Et ces recettes ça nous-mêmes, nous obligés, comme on dit, de travailler chaque jour et tout le temps pour nous faire recette. Donc, pas gagner rien de particulier pour nous faire, c'est chaque jour. Nous faisons tout travailler comme ça. Je trouve ça très drôle. Le sénateur de la République, c'est un monde qui est placé pour faire respecter toute institution qui gagne dans le pays. Parce que l'on parle d'institution, toute institution est régie de propre pouvoir par eux, fonctionnement. Si la justice a trouvé que Dany Toussaint lui-même en tant que sénateur de la République, t'a gagné pour le présenter devant la justice dans le dossier enquête qui a mené sous la mort Jean-Dominique. Nous, c'est un monde qui a premièrement fait ça parce qu'il est placé dans un niveau pour le faire respecter la justice. Mais si le pouvoir ça lui-même, c'est un pouvoir qui a protégé tout le monde qui a fait crime, si le pouvoir là, c'est un pouvoir qui a pour empêcher la justice de faire lumière, nous clair que Dany Toussaint a bien raison pour le dire par reconnaître Claudie Garçon comme juge qui est capable de travailler sur le dossier Jean-Dominique. Là. Mais comme c'est un homme que nous connaissons, côté le placé, c'est sale d'Amérique fait pour faire la justice faire lumière. Moi, je crois que c'est nécessaire pour retourner sur le dossier ça, pour dire clair que c'est nécessaire pour le présenter devant la justice, pour la dire sale qu'on est de la mort de Jean-Dominique. Parce que la justice n'a pas dit que c'est lui qui est responsable, mais lui-même tout le bac au-dessus tout de la justice. Qui perspective l'organisation qui s'est combinée dans la résistance démocratique bénin après une réflexion ça, est-ce qu'on a toujours continué dans la même rue de ça? Bon, nous disons si Jean-Dominique Pat bouquet bataille, les pattes bouquet frappé sous toute dictature, il continue à frapper pour défaire les miens fleuris dans les milliers de paysans. Comme nous connaissons la bataille contre les médicaments poisonnés, contre le clair éthanol, et bataille dans la réforme agraire, bataille contre toutes. Réactionnaires qui passent dans le pouvoir en dans le pays. Nous-mêmes, nous sommes obligés de continuer la bataille pour qu'un jour, les miens soient capables de faire dans le pays. Les paysans, lui-même, vraiment, la justice est capable de fleurir pour tout le monde.